Chapitre 93e. Monsieur de Richelieu apprécie Nicole. Monsieur de Richelieu s'en allait droit au petit hôtel de Monsieur de Tavernay, rue Coqueron. Grâce au privilège que nous possédons de compte à demi avec le diable boiteux, et qui nous donne la facilité de pénétrer dans chaque maison fermée, nous savons avant Monsieur de Richelieu que le baron, devant sa cheminée, les pieds sur d'immenses chenets sous lesquels se mourait un débris de tison, sermonnait Nicole en lui prenant parfois le menton, malgré les petites moues rebelles et dédaigneuses de la jeune fille. Nicole se fût-elle accommodée de la caresse sans le sermon, ou bien eût-elle préféré le sermon sans la caresse, voilà ce que nous n'oserions affirmer. La conversation roulait entre le maître et la servante sur le point important, c'est-à-dire que jamais, à de certaines heures du soir, Nicole n'arrivait exactement au coup de sonnette, qu'elle avait toujours quelque chose à faire dans le jardin ou dans la serre, et que partout ailleurs, qu'en ces deux endroits, elle faisait mal son service. À quoi Nicole, se tournant et se retournant avec une grâce toute charmante et toute voluptueuse, répondait « Tant pis, moi je m'ennuie ici. On m'avait promis que j'irais à Trianon avec mademoiselle. » C'était là-dessus que Monsieur de Tavernay avait cru devoir charitablement lui caresser les joues et le menton, sans doute pour la distraire. Nicole, poursuivant son thème et repoussant toute consolation, déplorait son malheureux sort. « C'est vrai, gémissait-elle. Je suis entre quatre vilains murs, je n'ai pas de société, je n'ai presque pas d'air. Il y avait pour moi la perspective d'un divertissement et d'un avenir. « Quoi donc ? » dit le baron. « Trianon, donc ? » répliqua Nicole. « Trianon, où j'aurais vu du monde, où j'aurais vu du luxe, où j'aurais regardé et où l'on m'aurait regardé. « Oh, petite Nicole !» fit le baron. « Eh, monsieur, je suis femme, j'en vaux une autre. « Cordieu, voilà parler !» dit sourdement le baron. « Cela vit, cela remue. Ah, si j'étais jeune, si j'étais riche !» Et il ne put s'empêcher de jeter un regard d'admiration et de convoitise sur tant de jeunesse, de sève et de beauté. Nicole rêvait et parfois s'impatientait. « Allons, couchez-vous, monsieur, » dit-elle, « que je puisse aussi m'aller coucher, moi. Encore un mot, Nicole. » Tout à coup, la sonnette de la rue fit tressaillir Tavernay et bondir Nicole. « Qui peut venir ?» dit le baron à 11h30 du soir. « Va voir, ma petite. » Nicole alla ouvrir, demanda le nom du visiteur et laissa la porte de la rue entrebâillée. Par cette ouverture bienheureuse, une ombre qui venait de la cour s'échappa, non sans faire assez de bruit pour que le maréchal, car c'était lui, ne se retournât et ne vit la fuite. Nicole le précéda, la bougie à la main, l'air tout épanoui. « Tiens, tiens, tiens !» dit le maréchal en souriant et en la suivant au salon. « Ce vieux coquin de Tavernay. Il ne m'avait parlé que de sa fille. » Le duc était un de ces gens qui n'ont pas besoin de regarder à deux fois pour avoir vu et vu complètement. L'ombre qui fuyait le fit penser à Nicole. Nicole à l'ombre. Il devina sur la jolie figure de celle-ci ce que l'ombre était venue faire, et aussitôt, après avoir vu l'œil si malicieux, les dents si blanches et la taille si fine de la soubrette, il n'eut plus rien à apprendre sur son caractère et ses goûts. Nicole annonça, non sans abattement de cœur, à l'entrée du salon, « Monsieur le duc de Richelieu. » Ce nom était destiné à faire sensation ce soir-là. Il produisit un tel effet sur le baron que celui-ci se leva de son fauteuil et marcha droit à la porte sans pouvoir en croire son oreille. Mais avant même d'être arrivé à la porte, il aperçut Monsieur de Richelieu dans la pénombre du corridor. « Le duc ? » balbutia-t-il. « Mais oui, cher ami, le duc lui-même, » répliqua Richelieu de sa voix la plus aimable. « Oh, cela vous étonne après la visite de l'autre jour. Eh bien, baron, rien de plus vrai pourtant. Maintenant, la main, s'il te plaît. Monsieur le duc, vous me comblez. » « Tu n'as plus d'esprit, mon cher, » dit le vieux maréchal en donnant sa canne et son chapeau à Nicole pour s'asseoir plus commodément dans un fauteuil. « Tu t'encroutes, tu radotes. Tu ne sais plus ton monde, à ce qu'il paraît. » « Cependant, duc, il me semble, » répondit Tavernay fort ému, « que ta réception de l'autre jour était tellement significative qu'il n'y avait point à s'y tromper. »« Écoute, mon vieil ami, » répondit Richelieu. « L'autre jour, tu t'es conduit comme un écolier et moi comme un pédant. De toi à moi, il n'y avait que la férule. Tu veux parler, je veux t'en épargner la peine. Tu serais dans le cas de dire une sottise et moi de t'en répondre une autre. Sautons donc de l'autre jour à aujourd'hui. Sais-tu ce que je viens faire ici, ce soir ? Non, certes. Je viens t'apporter la compagnie que tu venais me demander avant-hier et que le roi donnait à ton fils. » Que diable ! Aussi, comprends donc les nuances. Avant-hier, j'étais quasi-ministre. Demander était une injustice. Aujourd'hui que j'ai refusé le portefeuille et que je me retrouve le simple Richelieu d'autrefois, je serais absurde en ne demandant pas. J'ai demandé, j'ai obtenu, j'apporte. Duc, est-ce bien vrai et cette bonté de ta part est un effet naturel de mon devoir d'ami. Le ministre refusait, Richelieu sollicite et donne. Ah, duc, tu m'enchantes. Tu es donc un véritable ami. Par Dieu. Mais le roi, qui me fait une telle faveur, le roi ne sait pas seulement ce qu'il fait. Ou peut-être me trompais-je, le sait-il à merveille. Que veux-tu dire ? Je veux dire que sa majesté a sans doute quelque motif en ce moment de déplaire à madame du Barry, et que c'est à ce motif, bien plus qu'à mon influence, que tu dois la faveur qu'il t'accorde, tu crois ? J'en suis sûr. J'y aide. Tu sais que c'est à cause de cette drôlesse que j'ai refusé le portefeuille. On me l'a dit, mais je l'avoue. Mais tu n'y crois pas. Allons, dis bravement. Eh bien, bravement, je l'avouerai. Cela veut dire que tu m'as connu sans scrupule, n'est-ce pas ? Mon cher, je vieillis. Et je n'aime plus les jolies femmes que pour moi. Et puis j'ai encore d'autres idées. Revenons à ton fils, c'est un charmant garçon. Fort mal avec le du Barry, qui était chez toi, quand j'ai eu la maladresse de m'y présenter. Je le sais, et voilà pourquoi je ne suis pas ministre. Bon, sans doute, mon ami. Tu as refusé le portefeuille pour ne pas déplaire à mon fils. Si je te le disais, tu ne le croirais pas. Il n'en est rien. J'ai refusé parce que les exigences des du Barry, qui commençaient par l'exclusion de ton fils, eussent abouti à des énormités en tout genre. Alors tu t'es brouillé avec ces espèces ? Oui et non. Ils me craignent, je les méprise, c'est un prêté pour un rendu. C'est héroïque, mais c'est imprudent. Pourquoi donc ? La comtesse a du crédit. Pouh ! Fit Richelieu. Comme tu dis cela ? Je le dis comme un homme qui sent le faible de la position et qui, s'il le fallait, attacherait le mineur au bon endroit pour faire sauter la place. Je vois la vérité. Tu rends service à mon fils, un peu pour piquer les du Barry. Beaucoup pour cela. Et ta perspicacité n'est pas en défaut. Ton fils me sert de grenade. J'incendie par son moyen. Mais à propos, baron, est-ce que tu n'as pas aussi une fille ? Oui. Jeune, 16 ans, belle comme Vénus, qui habite Trianon. Tu la connais donc ? J'ai passé la soirée avec elle et j'ai causé d'elle une heure avec le roi. Avec le roi ? S'écria Tavernet dont les joues s'empourprèrent. En personne. Le roi a parlé de ma fille, de mademoiselle André de Tavernet. Qu'il dévore des yeux, oui, mon cher. Ah, vraiment ? Je te contrarie en te disant cela ? Moi, non, certes. Le roi m'honore en regardant ma fille, mais... Mais quoi ? C'est que le roi a de mauvaises mœurs. Est-ce cela que tu veux dire ? Dieu me préserve de mal parler de sa majesté. Elle a bien le droit d'avoir des mœurs qu'il lui plaît d'avoir. Eh bien alors, que signifie cet étonnement ? As-tu la prétention de faire que mademoiselle André ne soit pas une beauté accomplie et que par conséquent le roi ne la regarde pas d'un œil amoureux ? Tavernet ne répondit rien. Il haussa seulement les épaules et tomba dans une rêverie où le poursuivit le regard impitoyablement inquisiteur de Richelieu. « Bon, je devine ce que tu dirais si au lieu de penser tout bas, tu parlais tout haut. » poursuivit le vieux maréchal en rapprochant son fauteuil de celui du baron. « Tu dirais que le roi est habitué à la mauvaise société. Il s'en canaille, comme on dit au porcheron, et par conséquent qu'il se gardera bien de tourner les yeux vers cette noble fille, au maintien pudique, aux chastes amours, et par conséquent ne remarquera pas le trésor de grâce et de charme de tout genre, lui qui ne se prend qu'aux propos licencieux, qu'aux œillades libertines et aux propos de grisette. Décidément, tu es un grand homme, duc. Et pourquoi cela ? Parce que tu as deviné juste, dit Tavernet. Pourtant, avouez-le, baron, poursuivit Richelieu, il serait bien temps que notre maître ne nous forçât pas, nous autres gentilshommes, nous pères et compagnons du roi de France, à baiser la main plate et avilie d'une courtisane de cette espèce. Il serait temps qu'il nous réunît dans notre ère à nous, et qu'après être tombée de la Châteauroux, qui était marquise et d'un bois à faire des duchesses, à la Pompadour, fille et femme de Traitant, puis de la Pompadour à la du Barry, qui s'appelle tout bonnement Jeanneton, il ne tombe pas de la du Barry à quelque maritorne de cuisine ou à quelque goton des champs. C'est humiliant pour nous, barons, qui avons une couronne au casque, de baisser la tête devant ces péronnelles. Oh, que voilà des vérités bien dites. murmura Tavernet, et comme il est clair que le vide est fait à la cour par ces nouvelles façons. Plus de reines, plus de femmes, plus de femmes, plus de courtisans. Le roi entretient une grisette, et le peuple est, sur le trône, représenté par Mademoiselle Jeanne Vaubernier, lingère à Paris. Et cela est ainsi, cependant, et... Vois-tu, baron, interrompit le maréchal, il y aurait un bien beau rôle pour une femme d'esprit, qui voudrait régner en France à l'heure qu'il est. Sans doute, dit Tavernet, dont le cœur battait, mais malheureusement la place est prise. Pour une femme, continua le maréchal, qui, sans avoir les vices de ses prostituées, en aurait la hardiesse, le calcul et les vues. Pour une femme, qui pousserait si haut sa fortune, que l'on en parlerait encore alors même que la monarchie n'existerait plus. Sais-tu si ta fille a de l'esprit, baron ? Beaucoup, et du bon sens surtout. Elle est bien belle, n'est-ce pas ? Belle de ce tour voluptueux et charmant qui plaît tant aux hommes. Belle de cette candeur et de cette fleur de virginité qui impose le respect aux femmes mêmes. Il faut bien soigner ce trésor-là, mon vieil ami. Tu m'en parles avec un feu. Moi ? C'est-à-dire que j'en suis amoureux fou, et que je l'épouserai demain, sans mes 74 ans. Mais est-elle bien placée là-bas ? A-t-elle au moins ce luxe qui convient à une si belle fleur ? Songez-y, baron. Ce soir, elle est rentrée seule chez elle, sans femme, sans chasseur, avec un laquais du dauphin portant une lanterne devant elle. Cela ressemble à de la domesticité. Que veux-tu, duc ? Tu le sais, je ne suis pas riche. Riche ou non, mon cher, il faut au moins une femme de chambre à ta fille. Tavernet soupira. Je le sais bien qu'il la lui faut, ou plutôt qu'il la lui faudrait. Et quoi, n'en as-tu pas une ? Le baron ne répondit pas. Qu'est-ce que cette jolie fille, poursuivit Richelieu, que tu tenais là tout à l'heure ? Jolie et fine, ma foi. Oui, mais... Mais quoi, baron ? Je ne puis justement l'envoyer à Trianon. Pourquoi donc ? Elle me semble au contraire convenir parfaitement à l'emploi. Ce sera une soubrette à 4 épingles. Tu n'as donc pas regardé son visage, duc ? Moi, je n'ai fait que cela. Tu l'as regardé et tu n'as pas constaté sa ressemblance étrange avec... Avec... Cherche, voyons. Venez ici, Nicole. Nicole s'avança. Elle avait, en vrai marteau, écouté aux portes. Le duc la prit par les deux mains et enferma dans les siens les genoux de la jeune fille, que cet impertinent regard de grand seigneur et de débauché n'intimida point et ne gêna pas une seconde. Oui, dit-il, oui, elle a une ressemblance, c'est vrai. Tu sais avec qui et tu vois par conséquent qu'il est impossible d'exposer la faveur de notre maison à une pareille maladresse du hasard. Est-il bien agréable que ce petit bas mal rabaudé de Mademoiselle Nicole ressemble à la plus illustre dame de France ? Oh, oh, repartit aigrement Nicole en se dégageant pour mieux riposter à Monsieur de Tavernet. Est-il bien certain que ce petit bas mal rabaudé ressemble bien exactement à cette illustre dame ? L'illustre dame a-t-elle bien l'épaule basse, l'œil vif, la jambe ronde et le bras potelé de ce petit bas mal rabaudé ? Dans tous les cas, monsieur le baron, acheva-t-elle en colère, si vous me dépréciez ainsi, ce n'est que sur échantillon, ce me semble. Nicole était rouge de fureur et par conséquent d'une beauté splendide. Le duc serra de nouveau ses jolies mains, emprisonna une seconde fois ses genoux et avec un regard plein de promesses. « Baron, dit-il, Nicole n'a certes pas sa pareille à la cour. Quant à moi, je le pense. » Pour ce qui est de l'illustre dame avec laquelle, je l'avoue, elle a un faux air de ressemblance, nous allons mettre tout notre amour-propre à couvert. Vous avez des cheveux blonds, d'une nuance admirable, mademoiselle Nicole. Vous avez des sourcils et un nez d'un dessin tout à fait impérial. Eh bien, soyez un quart d'heure assis devant une toilette et ses imperfections, monsieur le baron les juge-t-elle, disparaîtront. Nicole, mon enfant, voudriez-vous être à Trianon ? Oh ! S'écria Nicole, dont toute l'âme pleine de convoitise passa dans ce monosyllabe. Vous irez donc à Trianon, ma chère. Vous irez, et vous y ferez fortune, et sans nuire en quoi que ce soit la fortune des autres. Baron, un dernier mot. Dites, mon cher duc. Bah, ma belle enfant, fit Richelieu, et laisse-nous causer un moment. Nicole sortit, le duc s'approcha du baron. Si je vous presse d'envoyer une femme de chambre à votre fille, dit-il, c'est que cela fera plaisir au roi. Sa majesté n'aime pas la misère et les jolis minois ne lui font pas peur. Enfin, je m'entends. Que Nicole aille donc à Trianon, puisque tu penses que cela fera plaisir au roi, répliqua le baron avec son sourire dégipant. Alors, puisque tu m'en donnes la permission, je l'emmènerai. Elle profitera du carrosse. Cependant, sa ressemblance avec madame la dauphine Il faudrait songer à cela, duc. J'y ai songé. Cette ressemblance disparaîtra sous les mains de Rafté en un quart d'heure. Je t'en réponds. Écris donc un mot à ta fille, baron, pour lui dire l'importance que tu attaches à ce qu'elle ait une femme de chambre auprès d'elle et à ce que cette femme de chambre s'appelle Nicole. Tu crois qu'il est urgent qu'elle s'appelle Nicole ? Je le crois. Et qu'une autre que Nicole ne remplirait pas si bien la place ? D'honneur, je le crois. Alors j'écris un instant même. Et le baron écrivit aussitôt une lettre qu'il remit à Richelieu. Et les instructions, duc ? Je me charge de les donner à Nicole. Elle est intelligente ? Le baron sourit. Tu me la confies alors ? N'est-ce pas ? Dit Richelieu. Ma foi, c'est ton affaire, duc. Tu me l'as demandé, je te la donne. Fais-en ce que tu pourras. Mademoiselle, venez avec moi, dit le duc en se levant. Et vite. Nicole ne se le fit pas répéter. Sans même demander le consentement du baron, elle rassembla en 5 minutes un petit paquet de hardes, et d'un pas si léger qu'on eût dit qu'elle volait, elle s'élança près du cocher de Monseigneur. Richelieu prit alors congé de son ami, qui lui réitéra ses remerciements pour les services qu'il avait rendus à Philippe de Tavernet. D'André, pas un mot. C'était plus que d'en parler.